légi tamit day waral kokku ni mi def ba jamm bi bëgg yalla moy daf koy jox manam day xamal jamm yi kan moy yalla magayam xamal yalla xamal jamm yi turu yalla yi ak ay melom xamal jamm yi mbaxayu yalla ak xewul ni ni muy ñëwé ci ñom et cetera de telle sorte que dañuy sopp yalla deug sopp yalla day sax ci seen xol di len wax nan lañuy zikare yan lañ dul def nan lañ koy kiwe di len xamal di len xirtal ci borom bi ci ay anam manam anam gu mu def pour xirtal len ci borom bi lool moy premier deuxième bi nak legui benen volet bi moy yalla lan sopp jamm yi moy day fexé ba jamm yi yor ay jikko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba pare sopp yenenbi sallalahu alayhi wasallam day ak sopp bu mu gënal len seen bop gënal len seen waju gënal len seen ay doom gënal len seen bok gënal len seen alal gënal len seen lepp loolu nak su amé borom bi day sopp jamm bu mel non manam kon koku bu boba day yar ci nit ki jikko yi nga xamantene ba pare day tax ba leer gi nga xamantene mom mo wara ñew ci nit ki ci xolam di wacc ci mom leer yoy non dañuy wacc ci xolam té lool nak day tax mu écraser li nga xamantene manam moy ci tay sir bi lolu amon nañ ci ay développement yu ki ci walu gogou mais dal moy dal ki nga xamantene day tax di yar nit ki nak ba mu note bakanam ba nga xamantene day ray bakanam bu ko defé mu dadi régler problèmeam parce que problème bi ben problème la moy bi ri bi tax ñuy wax kep ku ko régler wul régler go problème bi bo régler problème yépp bamu def bobu régler go say problème moy lan moy nit ki dem ba nga xamantene day yalla daf koy defal luñu tuddé fathul akbar manam day dag li nga xamantene mom moy barrière bi doxone ci digëntem ak muy jakarlok réalité mbir di gis li nga xamantene mom moy mbir mu nek nitu turu yalla yek melom yek yépp di doxé kokku mom moy cheikhou tarbiya kokku dañ nan ko cheikh ñoñu nak ñoo gëna neew groupe bu ñëkk mais groupe bu ñëkk bi mom moy le minimum wa moy le minimum voilà motax batu en tout cas batu cheikh dal bat la bo xamantene xeyna ñu ko mëna en tout cas ñu koy askanale manam aussi nit tam mëna baña yegg ci niveau bi mo la wax sank mais muy mu nek kuy orienter nit ñi ci yoonu yalla ci di leen leralal diine ji ci di leen yob ci walu yalla di leen yëkëti ci niveau yu kawé yi ñu évoluer seen digënté ak seen borom kok tam mën nañ ko jox titre cheikh mais dal du lo xamantene dañuy ñëw rek diko jox ku ñu neex cheikh diw imam diw parce que imam bi nak sa défense luñu tuddu amna imamu jakka ci bobu taxu ñuy wax ah koku dañ nan imam mën nañ ko wax imam ndax imamu jakka la mais nañ ci djublu lool comme ni waji defon ndeysan nenañ wa ben way ndeysan dañ ko dafa am kuko ki ci kot ci moy ci mbedd bi dal ci teul bi mu dafa yoron auto te ay keuyitam wourul ay permis ba permisam taxuko bax ak yoy et puis auto bi amul assurance ak yoy tout ça gendarme bi arrêté ko biko gendarme bi arrêté di xol wala oui yo sécurité yi et tout ça mu tok fay saraxu waji ki ben way jugé fé rek dal manam kenn ci bir corps ci gendarme yi commissaire ça va wala ko ça va wa bien ki yo nuyu waji dal di koy jox manam kiko ndiko na rek mais do mu no commissaire dal ki waji dem après mu nuyu waji ki mais il sert où manam fan lay servir dal fan la ci muniko non moy commissaire compte suñu daayira ta xeyna lolu mom wa bu ne ci titre bobu xam nga bobu taxaw ni wax wa manam kon imamu jakki tamit bobu taxul ñu wax imam la nañ ko nañ leen reconnaître lool parce que rôle quand même bu important mais imam nit bala ñukoy mën di wax nan imam diw il faut mu nek nit ko xamantene day rajé ko ci orientation yi mi def ci léral gi mi léral ci gindi gi mi gindi nit ñi ak tamit ci largesse xam xamam aussi ci domaine yu bare bare bare ci fanni diini voilà il faut mu rangé ko ci lolu non légui nak mu dess kon ñu delu ci wat ci masala yu hadith bi moy bokku na ci façon yi nit ki suy diglé dara wala muy téré dara moy mu wax manam budé lu muy diglé la mu wax solo ga ca né manam ndariñ ga ca né wa li dé mom ku ko def nangam ak nangam dang ko am ci tiyaba nangam ak nangam dang ko am ci ay tabax ci aljana ak yu démé non wala sa borom da na lay yikiti maqama sangam ak yoy lolou façon la ci xirta nit ñi ci lu baax boko do ci façon nak ci xirta nit ñi ci lu bon moy comme hadith bi nimu démé moy ah kuy nané li moko ci fekk borom façon la ci xirta nit ñi lo tamit méthode la bo xamantene nit ñi mën nañ ko utiliser pour di manam di diglé lu baax ak di téral lu bon voilà ala kul hal kon yoyu manam mën nañ yam fofu ci masala yi nga xamanteni ñu nekk ci hadith bi ci walu gogu non buñu ñëwaat inshallah ñu dugg ci fiqh bi après usul bi inshallah ci detaay bi ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sama am bok bo xamne wa mom dañ koy wax cheikh ni da ko nan cheikh mustafa non da ci tan fe non non mustafa cheikh mustafa ak mahna cheikh wa wa xam ko xam wa madam bo dama xam dama xam bu baax dal madam jangam dama lo taxuko am solo wa legui dama gis ni dañ koy wax cheikh wa amna ni ko gëm te diko top te mom neena dal du jëm ci walu yene te lay top ba créé fondation def lepp dama wax di téel am ay talib bari wa dox melni xamna ko yew moy xawma di sante sen wala ko sama rak ni ndey ah est-ce que kérok ci seigne mam sour bi muy biñ koy rop yalla nako yalla yorom mi ngi fone wone tele wone bama nan la ki mom moy voilà ok wa wa seigne yaay ñu bokk nek bay c'est ce que li nak mu jaxal mu dal mo je venais bien savoir lolu lan lay wa gis na ko man mec sunu borom la wala sincèrement man xawmako franchement bokk ci ñima xam donc munuma joxe atté deug deug ci mom mais dal amna dal ben affaire buma jaxal gis na ni mom ki wum ay jigéen ñi dañuy way wa lolou gis na voilà gis na ni mom fi mu ne jigéen ñi dañuy way té daf ci bolé manam ak orchestre bu ñu am et cetera ci kaw lool nak mom xaw jaaxal xawma nak ba xam lool dafa delu ci ñak xamam wala dafa delu ci lenen mais dal li gëna manu dal moy mom ci jëm bopam sincèrement gis na ne nak ku bëgg yenente bi la sallallahu alayhi wasallam waaw lool mom gis na ko waaw gis na ne tamit ku ci yëngula voilà mais nak amma lenen li nga xamantene mo ci dess en tout cas de toute façon nit kumu andal te nga yew yalla tax la djub nga and ak mom ren bu deewen di nga xam ba xam ki mën na ma jariñ sama digënde ak sama borom wa wala dit non mom deug la fondation mom vraiment mi ci dimbalé dom adamay mi ngi def ay vraiment œuvre de bienfaisance yo xamni wa non def leen dank buñu jaawale parce que ñun dañuy jaawale action sociale ak serigne ak voilà parce que ñun pour ñun waaw serigne bi dafa wara nek ko xamantene bu problème amé daf ci wara addu kaddom dafa wara nek nit ko xamantene bu gaayu soxla dem mak day jël la len di jox pass dafa wara nek nit ko xamne bu tebeuski bu problème talibi amé problème mu jox len xaaliss ak yoy lolu du rôle serigne ben mbir rek la bu amul njariñ bobu amul benen njariñ cheikh abdass dabba radiyallahu anhu dafa and ak talibim ñu jégg pont bi ñu jéggé pont bi ba paré faas la won bi ñu jéggé pont bi ba paré mu ne ko gis nga pont bi mu ne ko lan lay jariñ mu ne day téré pour nit ñi daanu ci ngelaw li pour daanu bañ wala munako d'accord munako munako nañ imaginer ni njariñ lolu amatu won ci pont bi muné yi kon lor kessé lay don munako yenenti alayhi salam ak serigne ci lolu lañ mel benn rôle rek lañ am moy tektal nit ñi yalla won nit ñi yalla jël seen loxo ba ci kanamu yalla ñu ne leen mi ngi ni yalla yaak sa jaamu ñu ni rôle bobu nak su téggé ko ñom ci seen bop ay lor lañu mu jëdoon rôle serigne du lolu motax ñun problème bi ñëk am moy xam lan moy serigne rôle serigne moy tektal nit ñi yalla orienter leen ci seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam xam nga wa amna lo xamne nit ki mën nako def ci digëntem ak borom mën nako def mu nek ay œuvre yu bax ci digëntem ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu nek action bo xamanteni action individuelle wala action collective mais lu mën ci xew baatu serigne mënuñu ko joyal ci kaw nit ko xamanteni du orienter nit ñi di leen jëme ci yalla wala effectivement bo legui xam nga cheikhal gi dafa bari man xamna bon mbokk bo xamantene mom sax du tidiane en fait te lolu moy li ci gëna yébé du tidiane mais bailleur de fonds la manam bailleur de fonds la xam nga ni bailleur de fonds voilà mais pourtant amna kenn ci serigne ci kuko cheikhal te ak djulnim sax dessena leer dal wa donc lolu d'ailleurs man bima ko jegi daf ma interpeller c'est à dire que ni ah d'accord kon nekite yexi nañ ci point bob point bo xamne dañuy séxal nit ñi non rek pour rek parce que bon ñu yor tour bi c'est à dire que c'est pas cheikh c'est lumière mom moy cheikh luñ ko pour mu nek pour mu amitan bi limi nek def na complexité na mohammed bu tax do xamné citel ya de quelques soi disant parce que mille logements et tant mais d'où ça vient l'argent pour ndax séxal bi la wala non moy yi ni wa moy lu mo wax xam nga wala mais de toute façon lolu xala xal balen de toute façon lolu pour mu gatt rek moy liñu amal solo liñu amal solo moy titre cheikh bi est-ce que nit nan moy critère yiñ koy xamé su amé ci nit ki mom la su ko amul du mom ak ku mu meuna doon ak fu mu meuna jogé li mom moy li nga xamanté mom mo fi solo voilà médecin voilà dogo nit ki dafa le sim dafa certain pour bitan amul un critère jam ko ñu ko dox ko médecin voilà mais dafa neko ki médecin voilà docteur voilà voilà do lay gaj ki appliquer ce médecin fa ñu nga appliquer ci maman Abdou Watan sa ben sou sa affaire daire gay bi do den do don yi mais na yeen jigen wa pour laaj la bo xamne xeyna amul rapport ak liñ doon wax sax ci cour bi mais moi ci massage yi ci xufu yi est ce que nit man na boudé dafa dajalé dafa sol tégalé ñaari kawas légui est ce que mom da man na massage ci kaw non ah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa sallam ah mas'alatu masha ala khufayn wax ala la wax xamantene dafa lat ay conditions dafa may conditions yu muy amé moy massa ci ko xufi manam moy nit ki su fekk inte dafa sol ay dal wala mu sol ay xufu sang mais amna dama bëggoon xol kan moko voilà tonton tamit daf koy sol wa seigne fallo tam daf koy faral di sol leg leg xam ta yi dafa melni solutu ko voilà moy nga xamne dal comme genre cuir la yu ñuy sol lolu nit ki su ko solé day mëna massage kaw bu fekkante day japp su fekkante maam su jappo sol ko su njappam jexé su njappam toje daf koy dal di mëna solat manam bu ko solé fekk ci biir japp lako sol su njappam toje bu jappuat du jar mu koy simmi bu yexé fofu day dal loxam rek massage kaw mo mu jox lolu nak day daw ci xufu yoy da fay daw ci li gëna wër ci dal ak nu dal dalo fiek ramp ak kawas bu fekkante na remplir na condition yi ma len di wax condition bu ñëk bi moy mu nekk lo xamantene mën nga ci dox manam mu baña nekk lo xamantene bo doxé day simmeku parce que xam nga tay bu dé dal bi dafa reuy reuy bo xamantene bo doxé day simmeku bobu taxu ñu wax wala bo dawé rek légui mu simmeku bobu taxu ñu wax wala bok ko lol ben la ñaarel bi moy mu nek lo xamantene day yexi ba ci dojori wala mu wessu ko mam day wessu dojori moy cheville su wesso cheville il faut mu wessu ko manam parce que njapp da nga wara japp ba raxasal cheville lol mom motax benen bi mom moy su fekkentene da nga japp manam njapp li manam nga am japp bi ngoy sol nga massage ci mom su fekkene da nga nek ci dekk bi da ngay massage ci mom toute une journée manam 24 heures bu fekkene da nga tukki am nga 72 heures manam 3 jours pour nga mën ci massage légui su fekkene da nga yor li nga xamantene mom moy da nga tegal manam kawas bi ba pare non benen condition bi moy mu nek lo xamantene so rayé ci kaw ci souf du toy manam sa tank du toy manam amna kawas yo xamantene du bax comme kawas yi nga xamantene mom la si c'est sol wa won ko kawas ki bi wa yi baxna xol len kawas bi wa bi baxna mais yeur sen kawas yi baxul voilà mo len ko voilà parce que so len ma c'est ci kaw day toy kon voilà sa yaram no yaramam sa yaram day toy legui nak voilà legui nak question bi li la dinañ ci ñew inshallah parce que moy buntu bi ci teggu non dedet ci buntu ci teggu la bok parce que après ñap ci sobe dañuy ñew après ñap yi mais en tout cas ci buntu ci teggu la dinañ ci ñew inshallah legui bu fekkante ne dama sol ñaar kawas tegelene dina meuna massage ci kaw kawas bi ci kaw mais su condition amna benen moy su condition que ni aussi manam xam nga bok na ci condition yi may massawé ci kaw kuppu bi pour sama massa bax moy il faut pas que sama tank bi manam affaire bi xoteku bo xamantene day tax ba lu ëpp ci manam tieru lu tollok tieru sama tank bi di feñ manam xoteku bu reuy bo xamantene munu dama ci mëna duma ci mëna dox lolu bokku na ci condition yi légui nak lolu ci ñap la koy man duma ko mën ci cangayal fa légui nak su fekkene na dama tégglé sama ay kawas dana ko man mais suma simé bi ci kaw il faut obligatoirement ma gaaw massa bi ci tégg comme tay suma solo ñaar kawas wala ma sol dal wala nañ jël ma sol sama dal kawas sama kawas ak sama dal bot xam nga mo massa ci kaw bot bi mu bëgg julli nak légui simmi bot bi légui lan moy def kawasi kawas yoy damay gaaw massa ci légui ni suma ko diful manam bima simmé dal yi rek la koy massa légui suma ko diful rek sama manam dafa am luñuy wax al wala ak mom dañ wax al fawru tamit manam moy gaaw manam tektolo bi ciiru japp yi wara tektolo sumay japp moy sumay japp buma defé bi dama wara def bi buma defé mi damay bala bi mo bala xar kanam gi di wow warna enchaîner ci loxo bi parce que sino do do nek japp manam munuma raxa samay loxo dem de ki def fi delu ci wat ñew seul mu dem ki doxi samay soxla delu ci wat raxa sama loxo bo do do japp il faut mu nek lo xamantene manam day top day topante manam mais topante bobu tamit tektelewul parax paraxé topante bi limi tekki moy suma raxasse suma defé raxasse benn ciir bala lolo mo wow ma meuna raxass benen bi lolo lay tekki ce qui veut dire que meuna raxass ni meuna ci ñu né ak gaay gaay bo lu laax bi téggé wona dé nga raxass ga karam gi nga ni ak xaram gaaw am ci benn ak ki gaaw parce que sino rek mbayen yi fi nek hein dal di ci door ñett ci bu baax dal di delu ci wat yegg na sama loxo meuna nek su fekente rek wax bi baña wax ak baña def leneen lu bokul ci njapp gi dañ ko sopp ci njapp mais du farata ci njapp dañ ko sopp ci njapp manam voilà légui nak légui sama njapp gi kon légui buma fekkante damay massa sama lan sama kawas bi kon wala sama dal yi légui dal bobu kon buma massawé ci kaw buma ko simé dama wara massawat légui sino lan parce que sino sama digënté bi mo massawé sama bobu bi ak tank bi da fay yag motax te kon boba da yak lool mom motax lool dana meuna nek lool mom moy lay xamna mo addu ci walu att bo inshallah buñ ci ñëwé duñ ko gëna yaata wallahu ta'ala peut-être ma comprendre tant qu'il raxasi wa men dafa né commencer pied droit bi du farata wa du farata kay non tambalé ndey jor ak non ci ciiru njapp yi tambalé ndey jor yi dañ ko sop ndey jor tambalé ko ordre bi nga xamantene même ordre bi non al muwalat la bëggono sax mané al muwalat voilà mom lañu wax ak al fawr manam mais manam ki bobu ordre bi manam ak tartib lol nonu ci yenn ngir yi du farata comme ngiru imam malik ak ngiru imam abu hanifa rahmatullah alayhi ñom par exemple ñom lol du farata manam toftalegi waye li gëna deugat te gëna wër inshallah moy farata la te lu moy mazhab shafi'i ak hanabil rahmatullah alayhi moy lan moy su fekkante na damay japp kanam gi la wara ñëk raxas obligatoirement lox bi do fété wu après massa bop do ci tegu tank bi do ci tegu manam farata yoy ma toftel len kok ci obligation lol moy li gëna deugul inshallah amma nak li nga xamantene mom moy tambalé cham ndey jor bi do nga def chamoñ lolou du farata dafa nek rek lo xamni dañ ko sopp ndax ndey jor tedd gi mu gëna tedd ci kaw chamoñ wallahu ta'ala a'lam wa est-ce que mo ngi ñu fatali parce que sénégal lolou wa après inshallah xara maire bi dafa am lu mu bëgg wax ci lolou wala ben farata njapp li nga xamantene mom mo ci farata moy ben ñaar no ndax d'ailleurs hadith la bu nek ci ñaar ci sahihi abdullah ibn zayd ibn asim radhiyallahu anhu mun tawadda an-nabi sallallahu alayhi wasallam marratan marra wa marratayn wa thalathan thalatha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jappuna ben jappuna ñaar jappuna ñet kon lool manam ñoy yep motax ben moy farata te ay alquran bi lim wax mom moy daf ni faxilu wujuhakum na nga raxas sen xar kanam te raxas ko rek la wax waxul ñaar yon waxul ñet yon wa aydikum ila al marafiq sen loxoy ba ci tiap cionci raxas ko rek la wax waxul yon nombre de fois lolou mom motax comme que arab bi lolou la wax te lolou mom moy ciosanam japp kon nak benn mom moy farata ñaar ak ñet yi dafa nek rek lo xamantene sunna lu ñok lu ñu sopp wallahu ta'ala a'lam ha sank mu ngi doon suñu waaw né benn benn waaw en fait danger bi waaw moy né en fait application bu reuy la andal parce que man na baña mat ah waaw lool tamit benn mbir la tamit bo xamantene mat na bayyi xel ci walu gogou non manam mom moy benn benn bi tamit buñ la ko waxé la budda mu nek lo xamantene lepp day toj mais manam aussi di tenir manam ay discours di wax né manam dafa compliqué lolu day indil ci nit ñi ay waswas ay jax jaxal parce que buntu ñap jax jaxal daf ci yomb manam lulu duggal ay dut dafa yomb lolu mom motax té li nga xamantene mom moy liñu jall suñu borom xalla taala jaamulo yalla moy ci khalabatu zann manam moy lu noti sa ndort moy tay bu fekkante ne dama raxas sama loxo ba sama cionci fim tollu buma ko xese ba raxas buma defé ni def ni jeex na paré na toy na fim tollu li noti sama ndort moy toy na ci amul fu dess légi nak yalla lolou lama laaj laajuma may nek di beus di ki di defani di insister di ki deul yalla laajuma lol lim ma laaj mom moy ma def ko rek ci anam go xamantene leer na mel toone amna ño xamantene man xamna ko xamantene te amna ñu ko xam ño xamantene non mais c'est vrai meun nañu japp duggu fi di japp meun nañ fa def 30 minutes 30 minutes voilà wala une voilà voilà parce que lan motax parce que jax parce que question yoy la c'est à dire que niñ len di waxe nan len woy xam nga affaire bi worul dañ fo na leer na wor nangam nangam motax muy ci non amna tamit ño xamantene bo dañ len di deg man musuma len gis personnellement mais ko xamantene par exemple avant fajar lay yew pour japp te bala mo pare nga pour jant bi juk yoy yep li len ko yobbe mom moy par exemple nan woy affaire bi dafa laaj application worul nangam nangam et cetera alors que yalla nimnu ko laaje moy de manière très simple raxas len ko fu fekente na amna fu def parce que xamo len ko yeen ay nit ngeen muno leena wala gis lepp pek lepp ci lolu la mbir mi di aju wallahu ta'ala a'lam wa question sécurité en général quoi wa wa je crois que le Sénégal def meli dañ ko xam parce que lu tax makoy wax ga organiser nañ ben concours bo xamné FM la fan ci kaw zikkar bi nit ñi di zikkar di wayando ci kaw ak et cetera lool moy musiba bi reuy bi nga xamantene kenn wax ko luñ ko wara waxe ah ah waaw mais bari de ak ñan oh bu ko bari yo wa ko mo dem mani mo ngay nañu fepp rek kérok kérok kérok ma wa voilà non lolu mom wa wa ñu baye xal hein ñu baye xal après inshallah ah fepp fo dem ci Sénégal keur diiné yi dina ci am portion yo xamantene dañuy def lolu lolu mom mënuñu ko jaglél diiw ñom diiw wala ñom da lolu dañ koy téré té dafa nek lo xamantene dafa haram ndax zikkar ndax sharia dafa am numu doxale su fekente ne ci julli mo gëna for té jigen ci suuf lay wax ci julli nodd lan motax jigen du nodd et cetera su fekete ne yoyu mom lañu ko téré ci kaw lan ngay xalat ci leneen luddul lool té xolal ak say xolal ñu bari xal ci inshallah dafa am lu dafa am question fo ah d'accord wa mba xaramu ni dafa légui question yi fi la so amé question rek fi la inshallah voilà xolal soxna yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam yaay julli ni radiyallahu anhunna ñom buñ daan waxtaan buñ daan netali même hadith yi ngeen di deg ñom ñoko netali buñ ko daan netti sax daanuñu genn ci public bi wut jotay diko def demewul lol de dañ ko daan def minu wara wara hijab sax lañ ko daan def maam dafa am rideau bu daan nek ñom ñuy wax gaay di deg ah d'accord ok daal di delu wat su fekkentene lol la manam ba ci ñoon wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara' hijab lol la zalika atharu liqulubikum wa qulubihim du non ñom ci seen bop soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo len de lacc lo len xamne da ngeen ko soxla manam lo len di wara jëfandiko na ngeen len lacc a travers rido lolou mo mune mo gëna lapp ci seen xol yeen ak ñom seen xol ñan la doon waxal sahaba yi radhiyallahu anhu ñi nga xamne ñoo gëna sel xol ñepp ñom la doon waxal di wax ak jigeen yi nga xamne ñoo gëna sel xol ñepp kan mo ci genn kenn genn ci lool mo motax questionnement yoy non dafa nek lo xamne dañ seydou hadji mala dalu c'est étalé vraiment ci kifayatu raqibi na ci question bob parce que question la bo xamne mom dafa japp ne effectivement nit ñi dénoncer wuñ ko niñ ko waro dénoncer su fekké né seydou hadji mala radiyallahu anhu mom moko waxé non haqiqatan amul kenen ko xamantene vraiment ba paré bon c'est étalé avec des arguments wo ra mo argument bi gëna simple moy lool moy julli julli moy preuve bi gëna reuy ak non ak ndariñ yi ci nek yépp pourtant ci souf lañuy wax jigéen lool mom moy preuve bi gëna reuy argument bi gëna solide té lool képp ko wax borom xam xam ak ko amul xam xam dana xam né li mom dëgg la yalla ñu yalla sam légui nak mu dess ñun en tant que wolof dafa bari luñu wax ak tasahul tasahul moy woyofal doyo dal ngir manam amna luñu ko négligence manam dañu bari luñu négliger yenn question diiné té ay question yu am solo lañ yu reuy lañ yoy yep nañ ko baye xam voilà d'ailleurs sa doy gis bokoy appliquer wala nga koy wax dañu no mais ki tang na mais ki mais yeen sen waji ba siècle lay dund hein waawa mais bon xam nga sénégalais mom ko wax rek ñu da nga compliqué sénégalais mom ñepp compliqué yalla ñu yalla sam wallahu ta'ala a'lam ñu wazi ko man laaj na ko sama sey ku ko bëgg bañ sax yow da ngay am problème convaincre sa bop ci né lolu amul manam ku ko bëgg wéddi da ngay am problème yow ci sa bop pour convaincre yow déjà sa bop d'abord pour wax né lolu amul légui nak mu def benn mbir moy wax deug dañ koy xamé manam nit Allah xamal deug Allah manam xamal nit ni à travers deug mais bu xamé deug à travers nit ni Allah manam deug soko man bo bëggé xam nit ni jëlal deug nga def ko balance pour nga xam kan moy diw mais bul xol bul jël yow manam consideration bi nga am ci nit ñi ba paré nga doga xamé à travers ñom deug dédé lool soko défé rek da ngay joom nit nak mën na jup bax dalok bax ba paré nek ci erreur ci yenn point yi lool mën na né parce que nit ku bax leg mu def lu baxul mais téréwul mu bax niki nonu nit ku bon leg mu def lu bax mais taxu ko bax lu deug voilà yalla ñu yalla sam wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun ala muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.